Le premier du mois, il est allé pêcher au large de la baie pour apporter quoi manger. Vous ne croirez pas tout ce qui lui est arrivé. Ben tire-toi une bûche que je m'en vais te raconter. Il est parti de bonne heure, le soleil était couché. Arrivé au large, il a commencé à troller. Il a pêché des heures de la semaine sous ce carbonier. En maudit calvaire, amène-moi donc à manger. Dieu passa par là, c'est vu, il l'a exaucé. Tu veux à manger, ouvre tes yeux, m'a-t-on donné. Ah voilà, c'est beau, le pêcheur un peu pressé. Voilà, c'est à toi, une belle morue de 10 pieds. J'en ai pour l'année, j'pourrais nourrir une armée. Une morue de 10 pieds, ça va être dur à porter. J'vais braver mes gens, dit le pêcheur excité. Il ne pourra pas son bateau à caler. Pêcheur pressé qui n'a jamais existé. La morue de 10 pieds, elle, je l'ai pas inventée. Je l'ai déjà vu, c'est Pépé qui l'a poignée.